cours numéro 41. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. أخذنا في درسنا الأخير باب ما جاء في منكر القدر فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ تفضل. مناسبته لكتاب التوحيد أن من لم يؤمن بالقدر فلا يؤمن بربوبية الله ومن لم يؤمن بربوبية الله فيكفر لأن القدر من أركان الإيمان الست صافي بارتي دي بيليي دو لا فوا لا شك أن الإيمان من التوحيد فمن أنكر القدر إلى أنولي سون توحيد عيادا بالله سي بور سا المؤلف رحمه الله إلى سيتي هذا الباب هنا والعلماء يذكرون أن هذا القدر مبني على أربعة مراتب عندما تفضل ما الدليل على هذه المراتب؟ العلم قال تعالى وقلني والله كل شيء عليم. الكتابة. الكتابة في الحديث عن عبدة بن سميت إن أول ما خلق الله القلم فقل له اكتب. اكتب نعم. الثالث المشيئة. وما تشاءون نعم ودليل الخلق الله خالق كل شيء هذه هي المراتب الأربع لا بد منها العلم أي لا سيونس أن الله سيتو الكتابة أن الله لا تو يكري في كتاب المشيئة أن تو سكي سباسي par la volonté d'Allah عز وجل والخلق أن الله سبحانه وتعالى لا تكخي ما الشاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تفضل لا يكفي تفضل الشاهد قول ابن عمر لو أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه فتيؤمن بقدر أحسنت لأن الباب جاء فيه ما جاء في منكر القدر أي سكي غجة القدر سكي ولا حكم والمؤلف رحمه الله إلى ستة حديث عبد الله بن عمر أن بعض الناس صنفوا كذن غجة القدر فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو أنفق مثل أحد ذهب إلى آخره حتى يؤمن بالقدر أي الله لا أكسبت بسي زبغ تنكي كروا با هذا الشخص القدر سنموت خلنا غجة القدر كومبليتمون سمين الكفر Et Baqiyat al-Ahadith, c'est la même ma'na. هذا الباب, il est muhim. ما جاء في منكر القدر. من يقرأ؟ قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في المصورين قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص لما كان التصوير وسيلة أو وسيلة الشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد. المؤلف إلى ستة هذا الباب هنا ما جاء في المصورين. لماذا؟ كما قال الشيخ الفوزان، لأن التصوير سئن وسيلة parmi les وسائل qui pousse عيادا بالله tomber dans الشرك. وهذا تقدم معنا، أين تقدم معنا؟ من يذكر؟ تفضل. في الباب ما جاء أن بعض ما جاء في ما جاء أن بعض هذه الغلو في الأوثان. نعم، قصة من؟ قصة نوح. نعم، قوم نوح، قصة قوم نوح، أن لما مات فيهم بعض الصالحين فصوروهم. Le peuple de Nouh, quand des impurs sont morts à leur époque, et ils les ont sawar, illustrés, ils les ont représentés, hatta ils ne les oublient pas. Lamma matu ja'a qawmun ba'dahum, et ils ont oublié hum, ils n'ont pas su pourquoi. Hada tasawir, ça a été un bab kabir. أنه سيت العكوز كي سنتم في الشرك فعبدوهم، ils ont adoré ces représentations. Ça nous montre أن التصوير c'est une fitna، خاصة تصوير الصالحين والمسؤولين والعلماء، أي les personnes qui ont un poids في الأمة، les personnes qui ont une responsabilité. فتصويرهم c'est une fitna كبيرة pour العوام الجهال. فهذا قول الشيخ حفظه الله، وسيلة الشرك المضاد للتوحيد. ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب. C'est pour ça que المؤلف il a cité هذا الباب هنا pour mettre en garde contre cette wasila. فأن répète مرة أخرى أن هذا الكتاب إما c'est pour montrer التوحيد. Beaucoup d'abouab on a vu, خاصة au début. إما c'est pour montrer ce qui contredit التوحيد. الشرك بالله. Et on a vu beaucoup d'abouab. إما c'est pour montrer une وسيلة parmi وسائل الشرك. وتقدم معنا باب في هذا أنه لا يجوز الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. أي on n'a pas le droit de sacrifier une bête pour Allah dans un endroit où les mouchrikoun ils sacrifient pour autre qu'Allah. لماذا؟ pour fermer cette porte. لأنه c'est une وسيلة عيادا بالله. أي ça peut pousser l'insan à tomber في الشرك. فمن هذا الباب سباب في المصورين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه، المصورون هم الذين يظاهرون بخلق الله، أي يشابهون ما خلقه الله. C'est pour ça que c'est interdit. C'est une des causes. كما جاء في الحديث الذين يظاهرون بخلق الله، أي ils font une chose qui ressemble à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la création d'Allah azza wa jal. Hada c'est la yajuz. Limadha? Li'anna Allah azza wa jal c'est le musawwir. Et on n'a pas le droit de essayer de représenter une chose qui ressemble à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'a fi ba'd al-ahadith at-taqyid bima fihi ruh, ay al-hayawan, que ce soit un être humain ou un animal. أما الأشجار والجبال والبحار فهذا مباح، سيبيرمي. أما ما فيه روح فلا يجوز. قال رحمه الله شيخ بن باز، قال يظاهرون بخلق الله في تصوير الحيوانات، أي ما فيه حياة، سواء ندخل ما أو أن أنيمال، أي ذات روح. Cette créature a une âme. قال السواء باليد أو بأي آلة إذا كان المصور من ذوي الأرواح. Ça, ça nous montre que ce qui est interdit, c'est une sourah, une image, une photo, une représentation d'une créature qui a une âme, comme les êtres humains, les animaux. كذلك أن الحرام s'englobe tout ce qui est nommé sourah. Ça peut être une représentation qui est faite à la main, ça peut être une sculpture, ça peut être une statue, yadam billah, ça peut être sur une feuille, sur un tissu, de nos jours sur du papier, tant que c'est une sourate, fa ça rentre fi hadha al hukm. Limadha li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala kullu musawwir fi an-nar. Hadha c'est min alfaz al-umum. Kull, ça englobe toutes les sourates et tous ceux qui font des sourates. Et d'autres hadiths qu'on verra ensemble. يُجْعَلْ لَهُ بِكُلِّ سُورَةِ بِكُلِّ سُورَةِ s'englobe tout ce qui est nommé surah, ça rentre dans le hadith. لِمَاذَ لِأَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ il a interdit cette chose et il a employé un mot global qui englobe tout ce qui est considéré comme image, comme représentation, comme photo d'être humain ou d'animal. Donc, الصحيح c'est de rester à la هذا الظاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام هذا الكلام من وحي الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أعلم من عباده s'il y aurait eu besoin de préciser فالنبي صلى الله عليه وسلم il aurait précisé. فهذا سنمونتر quand on a un délil عام global général فلا يجوز de le خصص بغير الوحي أي يقصد القرآن أو الحديث. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى التحريم أو تحريم التصوير معلل بعلتين أي الله سبحانه وتعالى son message صلى الله عليه وسلم ils ont interdit التصوير le fait de représenter de prendre des photos à notre époque المهم التصوير pour deux causes. La première, al-mudaha li khalqillah. لماذا لأن c'est une ressemblance à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا لا يجوز. Pourquoi لا يجوز? لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم. بل الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى dans le premier hadith qu'on lira ensemble, ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. هذا c'est une des pires créatures. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي هذا لا يجوز هذا من أظلم الناس كما جاء في الحديث لماذا لأنه limite il essaie de faire ressembler هذه الصورة cette représentation à la créature d'Allah عز وجل. Ça c'est la première illa, la première cause. La deuxième التعظيم للمصور التعظيم للمصور. Et c'est la munasaba qu'il a cité Cheikh Al-Fawzan. Et ça peut être une porte, iyadan billah, anna hada al-musawwir yu'azzam min dunillah. Et بعض الناس يغترون به. لماذا لأنه il a été représenté, que ça soit sous forme de statue et c'est plus grave, ou sur un mur, ou sur un tissu, ou sur un portrait. Et ربما البعض الشيطان il les pousse à adorer cette représentation comme hasala li ba'd qawmi nuh alayhi salatu wassalam. Qala Cheikh Al-Fawzan wa kullu illa mustaqilla taghni aw takfi idha infaradat fi tarattub al-hukm alayhi sahih. Si on aurait qu'une de ces deux causes, ça aurait suffi pour dire que c'est haram. Et si ça aurait été que pour al-mudaha li khalqillah, et faire ressembler cette représentation à la créature d'Allah, ça aurait suffi pour être haram. Ou le deuxième, al-ta'zim, al-musawwar, et ça peut ouvrir un bab de shirk, ça aurait été haram. Ma balouk, s'il y a les deux. Les deux, ils sont réunis. Fi al-taswir, taswir, dhawat al-arwah, ça nous montre anna al-hurma, elle est shadida. Ça nous montre que c'est très très grave. Li hadha fi hadhihi al-ahadith qu'on va lire ensemble, et idnillahi azza wa jal, tu verras que al-wa'id, il est très très dur. النار واللعن أي la malédiction, le châtiment du feu إلى آخر. Pourquoi? لأن c'est من الكبائر من كبائر الذنوب. انتهى كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. فإذا اجتمعت كان الحكم أغلظ قال رحمه الله. أي si on a ces deux causes là, chaque أن الحكم ça sera beaucoup plus grave. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه أي في الصحيحين. قال العلامة الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص أنه يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. C'est parmi les pires des injustices à التصوير. لماذا؟ لأن فيه المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. والتصوير من خصائص الله عز وجل. خاصة تصوير ذوات الأرواح. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى nous a interdit هذا الفعل. قال ولهما أي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. تأمل هذا الوعيد. أشد الناس أي parmi ceux qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة, ceux qui représentent, qui font des représentations de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on répète أن في بعض الأحاديث التقييد بذوات الأرواح. Et les ulama, ils expliquent هذا كثيرا. فلا شك أن tout ce qu'on cite في هذا الباب c'est تصوير ذوات الأرواح. أما autre que cela فلا يدخل في هذا الباب. قال الشيخ البوزان حفظه الله مناسبة الحديث للباب أنه يدل على شدة عقوبة المصورين مما يفيد أن التصوير جريمة كبرى. جريمة أي سان كخيم. celui qui a comme source comme référence الكتاب والسنة فلا يستغرب من هذا الكلام. il n'est pas étonné de cette parole de الشيخ البوزان. أن التصوير ستخدخل. On vit à une époque أن الناس تساهلوا جدا. كأن التصوير سيدفني مستحب. كأن سيغوكومنطي. مع أن الأحاديث qu'on lit ensemble الآن وهي في الصحيحين فيها هذا الوعيد الشديد. يتدخل الآن on vit à une époque أن بعض الناس عندهم الأمر أصبح très simple de prendre des photos. خاصة des choses d'aucune utilité, خاصة ربما du حرام. لماذا؟ لأن on vit à une époque أن كثيرا من الناس يبتعدوا عن الوحيين أي القرآن والسنة. Et vu que leur référence c'est les gens, c'est l'ambiance, le climat dans lequel ils vivent, le pays, ils suivent الناس. Vu qu'on vit à une époque أن la technologie elle s'est beaucoup développée, خاصة dans ce domaine, l'électronique, le numérique, tout ce qui est photo, téléphone, il a arrêté. فالبعض, pour eux, vu que c'est développé, tout le monde fait, ربما البعض ne comprennent pas pourquoi tu dis c'est haram. Alors que, الحقيقة, c'est pas toi qui dis que c'est haram. C'est النصوص, الأدلة. كلام الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي le premier et كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Dans les autres hadiths. قال الشيخ بن باز رحمه الله أو الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد فيدل أي الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن التصوير حرام مغلظ التحريم. ça montre que c'est un grand péché. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا. et dans l'autre hadith كل مصور في النار. وتقدم معنا الضابط والكبيرة. un grand péché c'est un péché qui est cité dans un hadith et فيه وعيد أو أحد أو اللعن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. c'est un hadith أن النبي صلى الله عليه وسلم dit celui qui fait telle chose il va en enfer أو il est dans le feu أو il est maudit لعن أو il y a un حد il doit se faire fouetter أو couper la main أو tuer exécuter par le gouverneur. Ça montre que c'est un grand péché. قال حفظه الله فهذا الذي يعتبرونه فنا ويتعلمونه ويتفاخرون به هو أعظم الذنوب. صحيح on vit à une époque أنه c'est devenu un métier. des métiers, des formations في التصوير. et بعضهم عيادا بالله c'est devenu leur passion. alors que فيه هذا الوعيد الشديد. C'est pour ça que les musulmans, rubbama, ils acceptent pas d'en travailler dans certains domaines haram, notamment l'alcool ou la vente de porc ou l'usure, le riba. Alhamdulillah, ça montre qu'il y a du khair. Lakin il y a un tasahul kabir fi at-taswir. Alors que peut-être que certains péchés que بعض الناس ils acceptent annahu c'est haram et ils s'en écartent, peut-être que taswir al-wa'id il est plus grave. والتحريم il est أكبر أشد لكن الغفلة. Et ça nous montre كذلك أن بعض الناس في الحقيقة ils ont pas comme source en priorité les textes من القرآن ومن السنة. فمثلا كثير من الناس ولله الحمد بل la plupart des gens حتى الكفار ils savent que le meurtre c'est interdit et que c'est pas bien. لماذا؟ لأن c'est quelque chose que tu vois, que tu entends, ça fait beaucoup de mal. إلى آخره. Tu n'as pas besoin d'expliquer à quelqu'un pourquoi le meurtre c'est haram. C'est واضح. Mais le taswir, pour eux, il n'y a aucun mal. Ou البعض, ils te le disent. Pourquoi c'est haram? Il est où le mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le mal, il est cité dans هذه الأحاديث. C'est une ressemblance, une imitation à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et هذا لا يجوز. C'est haram, كذلك, c'est grave. لأن بعض الناس, ils se sont égarés, ils sont sortis de l'islam à cause de l'exagération sur des représentations. Et on a un exemple qui est cité dans le Coran des personnes du peuple de Nuh, alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que c'est haram. Tout ce qui est dans le Coran ou dans la Sunna qui est rendu illicite, haram, c'est qu'il y a une mafsada pour toi, akhil karim. Wallah, il aurait du bien, ça n'aurait pas été interdit. Et en tant que muslim, on doit fonctionner hakada. Amma, ce qu'on voit qui nous fait du mal, on dit c'est haram. Et ce qu'on pense, ça ne nous fait pas du mal, on dit que c'est pas haram. Ayyadun billah, ça c'est le suivi des passions. Et on doit revenir au texte. Et les textes, ils sont clairs. Et ils sont fi sahihain. Vous avez remarqué que via hadal bab, imma les ahadith, ils sont fi sahih al-Bukhari et sahih muslim, les deux, imma fi al-Bukhari, imma fi muslim. Et ma hada, il y a un tasahul kabir, khasatan à notre époque. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل وقوله يظاهرون يعني يحاولون أن يتشبهوا بخلق الله هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام يظاهرون أي يحاولون essay de représenter cette chose comme la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Matalan, un être humain, il le représente et ka'annahu hu. Et vu le haqiqa, plus cette représentation elle ressemble à la création d'Allah, plus c'est grave. Hada, c'est un rad ala ceux qui disent et ceux qui prétendent anna les photos et les vidéos, c'est pas une représentation. Le haqiqa, c'est la réalité. Faqat, elle est mise sur papier. Wa illa, c'est la réalité. Abadan, c'est pas la réalité. Si on demande cette surah, est-ce que c'est vraiment l'homme? Là, Avedan, c'est une représentation, belle tellement qu'elle lui ressemble. Ça rentre pas dans le hadith et ça montre la gravité en plus d'être une shubha. Iyadam billah. قال يحاولون أن يتشبهوا بخلق الله سبحانه وتعالى فالمضاهات معناها المشابهة. هذا لا يجوز. On a pas le droit. Et en fait, il n'y a aucune utilité. Al-An, c'est devenu une passion, c'est devenu un métier. Ind al-Ba'd, c'est devenu primordial, ils ne peuvent plus s'en passer. Alors que des générations, depuis l'époque de Adam, alayhi salatu wassalam, jusqu'à notre époque, il y a quelques années, quelques décennies qu'ils ont inventé Hadat Taswir, il y a peut-être un siècle, Al-An. Toutes les générations qui ont vécu avant هذا التصوير est-ce qu'ils ont pu s'en passer? La choc, c'est pas quelque chose de primordial, c'est les gens qui se sont accrochés qui l'ont rendu primordial pour eux, enfin ils peuvent plus s'en passer. Illa kam walillahi alhamd min as-salihin, ils s'en passent et ils vivent heureux sans prendre de photos. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa lahuma ay al-Bukhari wa Muslim عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم عياذا بالله كل مصور في النار. Ça nous montre أن tout ce qui est considéré comme sourah أي في اللغة وفي العرف فça rentre في هذا الوعيد. وهذا في الحقيقة سنرد قوي sur ceux qui font la différence entre certaines images et d'autres. فمثلا يقولون أن ces images, ces photos, ces vidéos à notre époque avec les nouvelles technologies, البعض يقولون أن ça rentre pas في هذا الحديث. لماذا؟ لأن c'est pas une sourah qui est faite à la main. وبعض العلماء يقولون أن لابد que cette sourah l'envole à une ombre. أما une sourah sur un papier مثلا ça rentre pas في هذا. وهذا c'est pas صحيح. C'est pas صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح quand il est rentré ou quand il a refusé de rentrer عند عائشة. عائشة رضي الله عنها l'a vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas content. Elle le connaissait, radiyallahu anha, et elle a vu que quelque chose n'allait pas, elle lui a demandé, et il lui a montré, elle avait placé un rideau, et il y avait une sourah. Et là, je sais que cette sourah sur ce rideau, elle n'avait pas d'ombre. C'était pas quelque chose de sculpté. Là, c'était sur un tissu. Exactement comme les photos qu'on a aujourd'hui, sur du papier, ou sur un téléphone, sur un écran. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malgré cela, il n'est pas rentré. Et il a démontré à Aïcha radiyallahu anha anna ashadd an-nas 'adaban yawm al-qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah. Ay le hadith qu'il a cité l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, il a cité bi-ikhtisar. Il a la cause c'est ma taqaddam. Ça nous montre en la différence entre telle sourate et telle sourate, c'est pas sahih. Même si c'est le qawl d'un savant. Il y en a بعض العلماء يفرقون. بعض العلماء il y a un khilaf fi al-mas'ala ay les photos à notre époque avec les appareils avec la nouvelle technologie. Les ulama ils disent que ça rentre pas via ça, mais قول النبي صلى الله عليه وسلم يباس avant. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. وفي الحديث الآخر لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. صورة إلى نكرة في سياق النفي لا تدخل يفيد العموم عند الأصوليين عند المحققين من أهل العلم. فpourquoi faire sortir une catégorie de sourah avec quel délit? فمن si c'est le قول d'un savant, c'est un savant مجتهد et il a une récompense inshallah. أما نحن en tant que rechercheur de la vérité, en tant que mu'min, en tant que serviteur d'Allah عز وجل, on doit tout faire pour suivre la vérité. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور. بعض العلماء فصلوا لكن بعض العلماء يزمخي على الظاهر الحديد. بعض العلماء يزمخي لا سنقلب توتل صور. فلا شك أنه سي القول الصحيح. إيسا أكثر العلماء إلى حجال أقوى لغ بخوف سن بلو فورت بلو ديتاي فأنا دوا فير أتنسيون على هوا. أما بعض الناس يكونس با هذه المسألة يكونس با ربما سي أحاديد لكن يساف ك تل شيخ إلا دي ك تل genre de photo c'est permis, ils prennent des photos et si tu les conseilles, le shikh il a dit, bah là il me fait hada. Le shikh, inshallah, il est excusé, il a fait un effort, il est récompensé. Amma al-muqallid fala. Même le shikh qui a fait cette photo, lui-même il dit hada. Anna al-muqallid, il n'a pas à suivre aveuglément. Ça s'appelle tatabbu' al-rukhas. Et c'est min al-hawa, inda jami' al-ulama. Tous les savants ils sont d'accord que ça fait partie des suivis des passions et c'est un péché. Aïe, de prendre la fatwa d'un savant pour s'autoriser à faire telle chose. Même si Wahid te conseille et te montre qu'au le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa'adhum, il refuse, ayyadam billah. Qala Sheikh al-Fawzan, hafidhahullah. Hada al-hadith, aïdan, fihi wa'idun shadid. Aïe, hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'on vient de lire. قال فقوله كل مصور هذا يشمل جميع أنواع التصوير كما تقدم سانغلوب toutes les façons de représenter que ça soit des sculptures comme ils faisaient à l'époque et de nos jours aussi le bar des fonds que ça soit sur papier sur tissu que ça soit avec de l'encre que ça soit avec n'importe quelle matière tant que c'est une représentation d'une créature qui a une âme c'est haram لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كل مصور Et toute représentation, tous ceux qui font des représentations. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien fait sortir de Had al-Umum. On n'a pas le droit de faire sortir quelque chose de cette globalité. Sauf celui qui a un délit. Qala, sawa'un kana nahtan. أو تمثالا وهو ما يسمونه جسما أو كان رسما على ورق أو على أو لوحات أو على جدران أو كان التقاطا بالآلة الفوتوغرافية التي حدث أخيرا نعم que ça soit sur du tissu, sur du bois, que ça soit sculpté, que ça soit sous forme de statue, de une sculpture مهم, si c'est une représentation, ça rentre via هذا كذلك les photos à notre époque avec les appareils, que ce soit sur téléphone ou autre. قال لأن من فعل ذلك يسمى مصورا وفعله يسمى تصويرا. Celui qui fait cette chose, on l'appelle مصور. Et cette chose, on va l'appeler photo. مثلاً ceux qui utilisent les photos الآن, les appareils photo, les téléphones. مثلاً il dit je vais prendre une photo. En arabe je vais prendre une sourate. Est-ce que ce mot il est cité dans le hadith? Non. Bikulli surah. Donc ça nous montre que ça rentre fi hada. Bi ay dalil on va faire sortir. Ba'dhum qalu lakin les photos à notre époque avec les téléphones il a akhari, c'est pas fait à la main. C'est pas fait à la main. Ce qui est haram c'est ce qui est fait à la main, sculpté il a akhari. Cheikh Hamoud Touidi rahimahullah il a un kitab nafis jiddan fi hurmat at-taswir. Et il répond à ces choubouhat. Il a deux rasa'il fil haqiqa. C'est des références fi hada. Et il a répondu à cette chose, donc, wahid il va dire, si on prend cette base qu'ils ont citée, donc l'alcool, c'est haram que al-mu'assar, est celui que tu as pressé toi-même. Mais ce qui est fait avec la machine, il a akhiré, donc c'est permis. C'est la même chose. Là, la khamr, pourquoi c'est interdit? Il y en a, ça fait du mal à l'être humain, il perd la raison, il peut faire des choses de graves, il a akhiré. Il y a des masalih fi l'khamr, mais la gravité l'emporte sur le profit, c'est haram. Que ça soit pressé, que ça soit madri, tant que c'est de l'alcool, du khamr, c'est haram. Les représentations, les photos, c'est la même chose. Que ça soit fait qu'un appareil, que ça soit fait qu'une main, que ça soit fait en une fraction de seconde, c'est une photo, c'est haram, l'imada. Là, c'est une représentation qui imite la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et كذلك, ne pas oublier, كذلك, أنه سبب. عياذا بالله, cette photo, elle peut être, on peut exagérer sur cette photo, بعض الناس يزاجر, et ربما تعبد من دون الله. أو ça engendre un khalal fi aqidat sahibiha. Comme les gens, ils ont gardé des photos en souvenir de certains de leurs proches, et probablement ça leur a fait du mal à leur aqida. هذا هو القول الصحيح. قال الشيخ الفوزان فما دام ان عمله يسمى تصويرا فما الذي يخرجه من هذا الوعيد. Et ça nous montre une qaida nafi'a. Et tu en auras besoin souvent, Akhil Karim. Si tu as un délit global, min kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il est sahih. Et tu n'as pas un autre délit qui spécifie ce délit, فلا يجوز تخصيصه بكلام البشر. Si tu as un hadith, matalan, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال كل مسكر حرام. Tout ce qui rend ivre, c'est haram. Que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit un genre de nourriture. Tant que l'insan il perd la raison à cause de cette chose, c'est haram. Et l'illah est wadih, ça peut lui faire du mal, il peut faire du mal aux autres. Il a tant qu'on n'a pas un délil qui nous montre qu'il y a tel nom, c'est permis. Maintenant, l'alcool c'est haram. On dit bah là, tel genre c'est halal. Kullu musawwirin haram. Si wahid il nous dit, même en se basant sur la parole d'un sheikh, limadha li'anna le sheikh il n'est pas ma'soum. Le cheikh il a fait un effort, peut-être qu'il a pensé que tel hadith il spécifiait هذا. Et في الحقيقة لا, il n'y a rien qui spécifie هذا الحديث كما ذكر كثير من أهل العلم. Donc même si un cheikh il a dit هذا, on revient au délit. Il s'est basé sur quoi? Et في الحقيقة تقدم معنا هذا dans ce kitab. Vous vous rappelez du bab? On n'a pas le droit de suivre قول عالم sans revenir au délit. من يذكر الباب؟ نعم من أطاع العلماء إلى آخره qui c'est qui se rappelle de أدلة في هذا الباب قل ابن عباس je suis content de vous dire que les gens de la أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر قول ابن عباس رضي الله عنه كذلك قول أحمد الإمام الرباني رحمة الله عليه أقول أو عجبت من قوم يأخذون برأي سفيان ويتركون الأثر أو كما قال رحمة الله عليه هكذا السلف سفيان رحمه الله الثوري إمام من أئمة السلف بل أبو بكر وعمر سلميور دي سيت كوميونوتي بل سلميور دي توت لي كوميونوتي أبخي لي بروفيت عليهم الصلاة والسلام لي ميور زوم أبخي لي بروفيت سي أبو بكر وانسويت عمر بقية الصحابة عثمان وعلي إلى آخر مالغري سولا ابن عباس قال لا إلا با أكسبتي قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في ما يتعلق بالحج الصواب اللي تعبك ابن عباس لماذا لأنه إلى الحجة معه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفول فيغ التمتع في الحج son قوم الصحيح ça ça nous montre أن l'imam en lui-même il est pas maçon et ça nous montre que l'imam en lui-même c'est pas une حجة فمثلا البعض tu leur cites tout cela ثم يقولون ما الشيخ فلان il a dit on n'a jamais nié أن الشيخ فلان il a dit بل on peut te citer ربما la référence ولله الحمد لكن c'est pas un délil لأن si الشيخ فلان il a dit نحن on peut te citer un deuxième الشيخ qui a dit l'inverse مثلا الشيخ بن عثيمين il a un تفصيل في المسألة رحمة الله عليه on peut te citer قول الشيخ الألباني dit c'est حرام مطلقا on peut te citer قول الشيخ مقبل قبلهم on peut te citer قول الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي رحمة الله عليه قول الشيخ بن باز كم من العلماء قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي beaucoup de savants قول الشيخ حمود طويجري il a écrit deux رسائل Ça, ça nous montre que Cheikh Hamoud, par exemple, rahmatullah alayhi, il était qawi jiddan fi al-hujja. Et il a écrit deux rasa'il. Pourtant, à son époque, ta'lamoun, il est mort il y a une trentaine d'années. Et ses livres, il les a écrits Obama il y a 40 ou 50 ans. Et ce n'était pas comme à nous, de nos jours, la fitna de Taswil. Là, il y avait des photos à leur époque, mais c'était qalil jiddan. À la fin du siècle dernier, les années 80, les années 70, c'était qalil. Cheikh Hamoud, il a écrit ses deux rasa'il. Et la fitna, elle commençait. Et ça montre à nous, il a donné du temps et il a faussé le film à ça. Falimada, tu reviens pas à son qawl. Alors, nous, on te dit, délaisse le qawl de un tel, et reviens à l'hujja. Et le savant, tu t'aides de son analyse pour comprendre. Cheikh Hamoud, il a détaillé. Rahmatullah alayhi. Ala kulli hal, hada, c'est muhim jiddan. Et hada, c'est valable pour hada le bain fi taswir et fi jami' al-abwab. Isma' kalam Cheikh Fawzan. Allah, on continue ce kalam, on n'a pas fini. Qala wa rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu musawwirin fi an-nar. Ma huwa ad-dalil al-makhsus illa falsafatun ya'tuna biha wa aqwalun yakhtari'unaha yuriduna an yukhassisu kalam ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Fawzan, il démontre que les paroles qui citent hawla c'est de la falsafa, c'est comme de la philosophie. Et je pense on m'a dit un tel il a dit. Ça montre que Al-sawab est la preuve si tu veux convaincre ton frère c'est Al-hujja amma tu nous dis Cheikh Fulani l'a dit on va te citer peut-être plus de mashayikh tu vas citer Cheikh Al-Udaymin l'autre il va citer Cheikh Al-Albani tu vas citer un deuxième il va citer Cheikh Mokbel tu vas citer un troisième il va citer Cheikh Abd al-Muhsin ou Cheikh Kathir min al-ulama yuharrimun mutlaqan aina al-fa'ida al-fa'ida c'est de revenir à Al-hujja ça ne veut pas dire que si plus de mashayikh ils disent que c'est interdit c'est que c'est le haq ou l'inverse là لكن هذا c'est pour lui démontrer à Oulan le fait de dire Cheikh Antel il a dit c'est pas une hujja et ça c'est في جميع المسائل قال شيخ الفوزان يريدون أن يخصصوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم برأيهم et ça c'est très très grave et c'est répandu à notre époque بعض الناس ils font هذا ولا يشعرون فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit une chose لكن ils disent لكن mais les gens ils font لكن mais c'est bien il y a une مصلحة il y a un profit كلام الرسول بس أبو عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم son كلام il est appelé par la révélation de qui? De الرحمن عز وجل الله il sait tout donc même si tu emmènes ton avis la parole de tel shir les gens y font ça vaut rien par rapport à كلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن la parole du prophète صلى الله عليه وسلم c'est من وحي الله Et Allah, c'est lui qui a créé toutes ces choses que les ils veulent prendre en photo, c'est Allah qui les a créées. Allah, il est alim min ibadi, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. C'est ça le qawl al-sahih dans jami' al-masa'il. Quand tu as un hadith am, la yajouz takhsisu avec kalam autre que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ahyanan tu as un kalam am, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, thumma il spécifie cette chose avec un autre hadith. Ça arrive beaucoup hada. Et on a déjà donné des exemples au sol al-fiqh ma'a ba'd al-ikhwan. Amma si on n'a pas kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour spécifier son kalam à lui-même alayhi sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit. Wa illa ça ouvre un bab de char grave. Mathalan al-soufi, al-quburiyoun, al-dullal, ils vont dire naam, shirk c'est haram, invoquer autre qu'Allah, naam, tout ça c'est haram. Les textes ils sont clairs. Wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a. Sauf demander au wali. Il vient d'où ce sauf? Min ay? Ibn al-hawa. Ça change rien, c'est du shirk, c'est du shirk. On n'a pas le droit de faire pareil que haoula. Même si c'est une mas'ala, ça n'atteint pas le niveau du shirk. Là, il y a juste. Limada li anna tashri'a. Al-tashri' c'est le fait de dire telle chose est halal, telle chose est haram. C'est min haqqillah subhanahu wa ta'ala wahda. Et son messager alayhi salatu wassalam. Amma nous, on n'a pas le droit. Fa bi ay haqq, bi ay dalil, on va dire anna la, ces photos c'est permis. Bi ay dalil. Ma'a anna, on répète, c'est d'aucune utilité. 99% des photos que les gens y prennent, c'est d'aucune utilité. Le 1% qui reste, on a une règle. Wallahi alhamd. Notre dîn, il est complet. Vous dites que les photos c'est haram, mais tu as une carte d'identité, tu as un passeport, tu as un permis, tu utilises l'argent ou qu'il y a des photos, l'administration, tu dois faire des photos et tu les fais. On dit non, on les fait. Les malades, on a une règle. Anna al-dharura, quand tu es contraint, tu n'as pas le choix, fais le haram, pour toi, il devient permis, sans dépasser les limites. Maintenant, tu as besoin du permis. Et tu as passé le permis, on t'a demandé de faire une photo pour ton permis, tu fais une photo pour ton permis. Et ma'ahada takra. Ma'ahada, ton cœur, il est serré, tu sais que c'est pas bien, lakin al-ith, ala man alzam al-nas bihada. Kama qala, Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, wa ghayruhu min ahlil ilm. L'argent, on a besoin d'argent tous. On va dire là, on prend pas ses billets parce qu'il y a une photo là. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. On n'a pas le choix, bihada. Enfin, on prend. Et ma'ahada, on pourrait changer les choses, mais là on l'aurait fait, là, on ne peut pas. Donc, il y a un certain cas, al-daroura, c'est permis. Et on a cité l'exemple, le permis, la carte d'identité. Mazalan, al-an, tu es obligé d'avoir des papiers, carte d'identité, pour voyager, passeport, pour faire le hajj, l'umra. Enfin, même les ulama qui disent que c'est haram, ils font ce genre de papiers. Et كذلك جميع المسلمين. Fahada, c'est un autre bab. Ça nous montre que celui qui suit l'adilla, alhamdulillah. Ma min n'importe quelle situation, alhamdulillah, hal. Amma at-tawassu', toutes ces photos là avec les appareils photo, avec les téléphones, ayna al-haja? Mushkila ahyanan bal kathiran, c'est un frère, il est à la sunna, il aime sunna, lakin tasahul fi hada al-bab. Vu qu'il s'est habitué, tout le monde fait, il prend du plaisir, fal haqiqa, c'est d'aucune utilité. Vous avez remarqué que on répète 99 ou 95% des photos, ba'd an-nas ibkhan, ça reste dans le téléphone, wallah ils oublient annahum, ils ont pris ces téléphones, ces photos aqsud. Ayna al-haja, elle est où l'utilité? Faqat, c'est des dounoub. Et c'est devenu une fitna, ils mangent, ils se prennent en photo, ils vont au masjid, ils se prennent en photo, ils sortent en photo, ayna al-haj. Et ça ouvre un bab shar qu'on peut citer, on a bab ar-riya كذلك. Khassatan notre époque avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, c'est devenu un bab encore plus grave. Il y en a البعض الان, ils sont au masjid, ils se prennent en photo, ils vont au hajj, ils se prennent en photo. Pourquoi? Pour se montrer, pour montrer aux autres, khassatan dans les réseaux sociaux, annahu il a fait telle chose, limada. C'est grave, hada. Si tu fais l'illah, tu n'as pas besoin de hada. Et tu n'as pas le temps pour hada. Khassatan fil hajj wal umrah. C'est une fitna azima. Et fil haqiqa, avec tout ce kalam et tous ces adillah qu'on a cités, fil haqiqa, ma adhan anna celui qui prend la vie d'un shir qui dit que telle photo c'est permis, ma adhan annahu il n'aura pas de doute. Les hadiths ils sont clairs. Et kalam ahl al-ilm, ils sont clairs, kadhalik. Si tu as des doutes, délaisse, il n'y a aucune hajj. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كثير من الناس يسكخوش à son قول lui-même il lui en pose la question à n'abord de net ils accrochent des photos chez eux dans leur magasin il a akhiré et ils disent Cheikh ibn Uthaymeen il dit que c'est pas interdit wa ankara rahmatullah alayh il leur a démontré les photos souvenirs les photos accrochées tout ça c'est haram عنده لكن عند الضرورة et عند الحاجة certains cas Cheikh ibn Uthaymeen il dit نعم ça rentre pas في الحرام مثلا pour faire da'wah Cheikh ibn Uthaymeen il dit c'est un bab نافع et il y a un wajh dans la haqiqa, ça va se propager il a akhiré, fayaqul c'est pas haram, Cheikh ibn Uthaymeen il a jamais autorisé de prendre des photos sur son téléphone les laisser sur son téléphone, les mettre sur les réseaux sociaux, il a akhiré, il a jamais autorisé hada. Ceux qui prennent vraiment compte Cheikh ibn Uthaymeen, s'ils prennent que pour les muhadarat, les durus, hada c'est un jtihad de Cheikh ibn Uthaymeen ma'a anna hada al-sahih kadalik c'est que c'est pas permis liyanna hatta sudars matalan qui va être enregistré est-ce que l'audio ça ne suffit pas? Cheikh Mokbil, rahmatullah alayhi, il se prenait pas en photo, nastafid min. Cheikh Al-Albani, il se prenait pas en, il le filmait pas quand il parlait, nastafid min. Toute la umma nastafid min. Et en haqiqa, ceux qui prétendent, annahu c'est utile, annahu il faut propager. Est-ce que les gens, en haqiqa, ça fait quoi, l'an? Ça doit faire 15 ans, 20 ans que des vidéos, elles sont propagées. Est-ce que ça a sorti des talabat al-ilm, toutes ces vidéos? Là, talabat al-ilm, c'est sorti min al-masajid, min al-marakiz. Avec les livres, avec le djoulous, عند أهل العلم. Amma, ces photos, ces vidéos, on peut s'en passer avec les audios. Faire fermer la porte, c'est as-sahih. Et on a détaillé, walillahi alhamd, hadhihi al-mas'ala, dans plusieurs audios. Et les ulama, ils les ont détaillés. Et on citera, inshallah, des références à la fin, si on n'oublie pas. On a tambih, on fait un tambih. Et après avoir lu le kalam de Cheikh Al-Fawzan, vous avez remarqué qu'on a cité beaucoup de son kalam fi i'anat al-mustafid. On a cité son kalam awalan li'annahu sa imam rahmatullah hafidahullah et kadhalik li'anna son kalam il est fi sharh kitab tawhid. On n'a pas voulu élargir avec nuqulat autre que dans kitab tawhid, dans les shurouh. Hada awalan. Thaniyan li'anna on a déjà traité ce sujet et troisièmement on a fait un tambi anna al-ba'd qad yaqul wa qad qil hada. Ils ont posé la question à Cheikh Fawzan lakin ya Cheikh anta tu apparais dans certaines vidéos, dans certaines chaînes, dans certains masajid, Cheikh Al-Fawzan, il est filmé. Havidahullah. Qala, ou ils lui ont dit, est-ce que hada c'est un délil ala al-jawaz? Ta'ammalu su'al. Est-ce que c'est un délil ala al-jawaz? Que c'est permis? Qala, Cheikh Al-Fawzan, laisse hada délil. Léna délil, c'est qala Allah, qala Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. Amma Cheikh Al-Fawzan, même en qadr annahu, il dit que c'est permis, il se prend photo. Est-ce qu'on va dire que c'est un délil là? Là, c'est son avis et c'est pas une preuve du Coran et de la Sunna. فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِدَلِيلٍ أَنَا مَا أَمَرْتُهُمْ وَلَا طَلَبْتُهُمْ وَإِنَّمَا هُمْ يَأْتُونَ أَخَذُوا سُورَةَ الشَّيْخِ بْنِ بَازٍ وَهُوَ يُحَرِّمُ وَيُحَرِّجُ مَنْ يَفْعَلُهُ. هكذا الشيخ بن باز. Ils l'ont photographié et ils ont mis sa photo dans certains journaux à son époque et ils citaient son kalam et ils mettaient sa photo. فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Il leur a démontré que les photos c'est haram. Cheikh Al-Fawzan, كذلك هنا ما أمر. لكن تعلمون, c'est un grand savant, il y a du monde, في المسجد. فربما une chaîne de télé où ils organisent une daura et ils filment et هو, il a rien demandé. يأتي يجلس et il parle. رحمه حفظه الله. على كل حال, même les savants qui se prennent en vidéo ou on les filme pendant les muhadarat, c'est pas une hujja. Le qawl sahih anna hadha c'est haram. Limadha li anna al-adilla ils sont clairs. Et on lit le dernier dalil, qala wa lahuma marfu'an man sawwara suratan fi ad-dunya kullifa an yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikh. Hadha kadhalik c'est min al-wa'id fi as-sahihayn. Ayyoum al-qiyamah chaque image que هذا الانسان il a pris chaque représentation annahu il devra insuffler l'âme à cette chose. لماذا لان تقدم معنا العله الى cause. Pourquoi ça interdit? لان c'est une ressemblance à la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vu qu'Allah c'est le créateur, c'est lui qui façonne, c'est lui qui représente telle créature de telle couleur, telle créature de telle taille, et Allah il insuffle l'âme aux animaux, aux êtres humains, il a akhri. هذا العبد الضعيف يوم القيامة. Il lui sera dit, vu que tu as essayé de imiter la créature d'Allah, insuffle l'âme l'âme si tu es capable. وما هو وليس بنافخ. من أين il va pouvoir insuffler l'âme. قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الشاهد أن لا تدع سورة إلا طمستها. Ce dalil, il y a plusieurs fawaïd. Minha, anna qawluhu suratan nakira. Vous avez remarqué qu'il est indéfini, il n'y a pas alif ou lam. Et hada yufid l'umum. Ala ab'atuka, alla tada. Il y a un nahi avant. Ou nakira fi siyaq nahi yufid l'umum inda ahl al-ilm. Ça montre que surah s'englobe toutes les surahs. Les petites, les grandes, les claires, les pas claires, avec à la main, avec un appareil. Tout ça c'est haram. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la tada ne laisse aucune iman. Il n'a pas dit sauf celle où il n'y a pas d'ombre, sauf celle qui n'est pas en forme de sculpture, de statue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la tada suratan. Kadhalik qal illa tamastaha. Wa tamsu la yakun ala, yarhamukullah, at-tamsu la yakun ala ma fihi dhill. At-tams ça veut dire quoi? Ça veut dire effacer. Et ça montre que ça englobe toutes les images. Et là, ceux qui disent là, c'est que les représentations sous forme de statues, une représentation qui a une ombre. Une ombre, et ça montre qu'elle est en forme 3D, comme on dit. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas dit Tamasta, il aurait dit Kassarta. Tu ne peux pas effacer ce genre de représentation, ces sculptures-là, il faut les casser. Amma At-Tams. Une représentation d'Antelane, si on l'a fait sur ce mur, on ne va pas casser le mur, là, on peut l'effacer. On peut l'effacer, frotter, hatta elle disparaît. وَجَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ السُّورَةَ الرَّأْسِ. Ça montre, l'ulama yaqouloun, أَنَّ ce qu'il faut enlever, c'est la tête. Si tu enlèves la tête, c'est plus une sourate. عَلَى كُلِّ حَالٍ حَتَّى elle n'a plus la forme d'un corps. Avec une tête, maintenant un être humain ou un animal. Enfin, tu effaces la tête. Ou tu découpes la tête, c'est du papier. Ou tu brûles la tête. Al-Muhim, que c'est plus la représentation un corps avec une tête. Est-ce que le Ba'di font, ils mettent un trait entre la tête et le corps? Là, il faut enlever la tête. Au Ba'di, ils enlèvent que les yeux. Si tu enlèves que les yeux, il reste la tête, il reste le nez, il reste beaucoup de choses. Là, al-Sawab, c'est d'enlever la tête et. Alhamdulillah, celui qui fait cela, c'est plus considéré comme une sourate muharramah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الحديث لكتاب التوحيد أو للباب أنه يدل على وجوب طمس الصور وإتلافها. Ça, ça nous montre que c'est wajib. Et on doit faire attention de ne pas avoir de tassahul fi hada. Et on vit à une époque où dans beaucoup de choses il y a des sour. Lakin selon ses capacités, certaines choses ahyanan. Tu as du mal là où il y a beaucoup, ou tu sais que la chose tu vas la jeter juste après. L'insan yajtahid. Amma, faire se laisser aller vers hadha al-bab et laisser des sourates à la maison, fa la yanbaghi. Malaika la tadkhul fi baytin fihi kalb wa sourah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi tamsiha. Et كذلك l'ihtisab fi hadha. Akhi al-karim, à chaque fois que tu vas effacer cette image, tu vas découper la tête, tu vas effacer la tête. فتمأجور لماذا؟ لأنك أبليك أن أرجو بروفيت عليه الصلاة والسلام فسيدي حسنات سهلة لكن نصابتوا هذا والإنسان أصلا pour éviter ce genre de haraj ça peut être une difficulté où tu oublies أصلا si tu as le choix entre deux produits de même qualité et un produit مثلا sur l'emballage et une surah muharrama et sur l'autre il n'y a pas de surah أخي الكريم fais des efforts c'est ton din بعضهم ils font des efforts pour eux Robama pour la différence de quelques centimes sur un produit. Pardon, ils font des différences. Les annahu, ça vient de tel pays, ils préfèrent de tel pays. Awahiyanan, c'est sur la qualité, là, qu'il n'y a pas une grosse différence. Mouhimiyan, taharri. Fanahlou, on est ahq bihad al-taharri. Tu as deux produits, c'est les mêmes. Ahiyanan, c'est la même marque. Lakin, hada, ils ont mis une publicité avec une surah, hada, y a rien. Prends, ou qu'il y a rien, akhil karim. Et ça montre que l'insan, son cœur, il est nashit, il est qawi, il est hay, et il fait attention à son din. Amma hakada tassahul. Haqiqa, celui qui a étudié ce genre de kitab, là, cette mis'ala est muhimma jiddan. Et on a cité kadhalik kalam Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, amma fi dharura, La précision l'a déjà faite. Mais يتعلق بما وقع هذه الايام من الحاجه الى الصور قال شيخ ابن باز فهذا par rapport à الحاجه الضروره. On a cité l'argent, les papiers d'identité, il a akhir. على كل حال النصيحه qu'on peut faire à nous-mêmes et à nos frères كما قال الشيخ مقبل رحمه الله في غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل قال إياك أيها السني أن تجاري أهل مجتمعك نصيحة أهل السنة أي par rapport au photo là au photo محرمة إياك أيها السني أي fais attention toi que Allah سبحانه وتعالى il a élevé بالسنة. Tu prends des cours fi sunna, tu aimes ulama sunna. Fais attention de ne pas suivre ahl mujtama'ik. Tu vis dans un mujtama', il y a des awam, il y a des usar, probablement il y a des kuffar, wa hum la yawalu. La yawalu on les appelle les fotol an. Hatta un kathir min al muslimin, c'est devenu quelque chose de normal. Fais attention de ne pas suivre la vague. لأنهم هم ربما ils ignorent certaines choses, ils ont pas su ce que tu as su. ربما ils ont l'iman ضعيف أو الكفار ils ont pas d'iman du tout. لكن أنت الله سبحانه وتعالى فضلك. Tu dois pas suivre les autres. لماذا؟ لأن أنت tu as un modèle. C'est un Nabi صلى الله عليه وسلم. Et ton modèle قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال كل مصور في النار. قال ما من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح إلى آخر تسكون يد جمعها الشيخ مقبل رحمه الله سين غيفرانس كذلك في الباب إن رسالة في تحريم التصوير إلى سيتي بوكو دو أحاديث صحيحة دون سو سوجي قال فكثير من الناس لا يتقيد بالدليل بل أصبح يجاري أعداء الإسلام إلى آخره كثير من الناس على notre époque Anahum, leur référence, leur base, leur source, c'est plus le délit. C'est ce qu'ils font les gens. At-taswir matalan an, c'est haram, on n'a aucun doute. Même si on prend la surah ou qu'il y a khilaf, anahum, est-ce que pour ta'wa c'est permis? On met ça de côté. On parle toutes les surah d'aucune utilité. Que les savants y haram. Hada, c'est clair. Lakin, le fait de ne pas avoir comme source, comme base le Coran ou le Sunnah, l'insan, tu vas le dire, il va te dire, mais les gens, ils font, tout le monde le fait. Et c'est devenu normal. Et on rappelle, anna'indahum, tant que ça ne fait pas du mal à un autre, comme l'alcool, comme le meurtre, comme tout ce qu'on a cité comme péché, indahum, il n'y a pas grand mal. Les hada, ils le disent clairement, ils disent, mais je ne fais rien de mal. Si, mukhalafat Nabi sallallahu alayhi wa c'est quelque chose d'énorme. Falihadhari alladhina yukhalifuna an amri. Et combien de gens ils sont tombés dans des fitnes à cause des images, à cause des photos. قال رحمه الله أو انتهى نختصر الكلام. وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في الفتاوى ومعلوم أن التصوير محرم ولكن إذا كثر الإمساس قل الإحساس. إذا كثر الإمساس قل الإحساس. Ça veut dire quoi هذا؟ Cheikh Ibn Humayd, rahimahullah, min ulama al-umma, il est décédé il y a quelques années, rahmatullah alayhi, qala anna at-taswir c'est haram. Aucun doute, les adillah ils sont clairs. Lakin, pourquoi ba'd an-nas l'an, pour eux, il n'y a rien de mal. Pour eux, c'est quelque chose de moubah, c'est quelque chose de permis. Et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est haram. Limada qala, walakin ida kathura al-imsas. Quand tu touches beaucoup à une chose, tu ne sens plus à force de toucher. Maintenant, de l'eau chaude, tu mets ta main dedans, à force de rester, tu sens plus rien. Hakada al-haram. Si wahid il fait le haram, premier jour, ça va être rare pour lui. Il sait qu'il a fait quelque chose de grave. Et Robama, son cœur, il est ravi, ça lui fait du mal. Il le fait un deuxième jour, un troisième jour. Il le fait pendant 6 mois, ça devient quelque chose de normal. Idha kathura al-imsas, qalla al-ihsas. Quand tu touches beaucoup à une chose, tu ressens plus. Enfin, c'est ce qui arrive à كثير من المسلمين في هذا الباب قال فإن من قال بتحريمه قال عنه الناس هذا يعيش في القرون الوسطى et vu que beaucoup de gens ils sont arrivés à cet état si un tas tu dis c'est haram ils vont dire هذا il vit في القرون الوسطى il est arriéré on est dans les années 2000 la technologie elle a avancé هو il nous dit les photos c'est haram هكذا يقولون قال وما ذلك إلا من جهل الناس بشريعة نبيهم عليه الصلاة والسلام وجهلهم بإسلامهم لماذا؟ لأنهم ils ignorent beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et kadalik, ils ignorent beaucoup de bases de leur din. On ne dit même pas des masa, il a des bases. Il y en a ce livre, c'est une base. Parce que s'ils auraient étudié ce genre de livre, Bab Mukhtasar, avec un titre, Maja'a fil Musawwirin, et 4 ou 5 hadiths Mukhtasar, des hadiths d'une ligne. Et tastavid min hadhihi al-ahadith fawa'id 'azima. هذا الذي أردنا بهذا الباب المهم ولله الحمد on a détaillé cette masala dans plusieurs kalimat et on essaiera de retraiter le sujet lakin sous forme de débat. C'est مهم. Ibn Qayyim rahmatullah alayhi, l'imam, il fait souvent des munadara entre quelqu'un qui dit que c'est permis et quelqu'un qui dit que c'est pas permis, et il cite les délits, les adillah des deux et الحجج دي دو بارتي اي رجح سا سي مهم سي مهم جدا. بعض العلماء يفون من باب المناظره كذلك الشيخ سعدي رحمه الله سا سورا ان رساله كون فورا ان شاء الله prochainement. سي با سور التصوير لا سا سورا سور اوتر شوز سور العقيده سور التوحيد لكن سو فورم دو مناظره اي واحد كي ديالوغ افيك ان اوتر فان شاء الله prochainement نسي غا دو ريزومي سيت مساله اي سور التصوير لان لا امبورطانت sous forme de débat. On prendra واحد qui dit que c'est permis et un autre qui dit que c'est interdit. Maintenant, celui qui dit que c'est permis, celui qui pense que c'est interdit, il va lui dire limada tu dis que c'est permis. Il va dire les gens ils font, et l'autre il va répondre en citant toutes les choubas sous forme de dialogue. Ça sera plus simple pour ceux qui veulent approfondir cette mas'ala. حياكم الله اي اون باس ا نوتر دوزيام درس. تفضل. كلام الشيخ سعدي احسنت نسيت انا. قال الشيخ سعدي رحمه الله هذا من فروع الباب السابق انه لا يحل ان يجعل لله ندا في النيات والاقوال والافعال والند المشابه ولو بوجه بعيد. اي سي ان باب كي بو بوسي او تنديد او الشرك كما تقدم. اي à associer Allah subhanahu wa ta'ala cette créature qui a été prise en qui a été représentée. قَالَ فَاتِّخَادَ الصُّوَرَ الْحَيَوَانِيَّ. On répète الْحَيَوَانِيَّ et هنا c'est مَا لَهُ رُوح مَا لَهُ حَيَاتٌ. On l'appelle حَيَوَان. Amma beaucoup de nous l'un on l'emploie الحَيَوَان sur les animaux, لكن هنا il est employé sous la forme plus globale حَيَوَان, celui qui a une vie الحَيَات. قال وكذب على الخلق على الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير فلذلك زجر الشارع عنه. كلام العلماء مختصر très simple pour te montrer que c'est une musiba et صحيح c'est du كذب على الخلقة الإلهية تمويه تزوير c'est باب فتنة. Et on n'a pas cité tous les méfaits. Ces images ça a été la cause de divorce. Ces images, ça a été la cause de problèmes. Ces images, ça a été la cause de fitan pour beaucoup de gens. Ça montre qu'il n'y a que du char. Falihada, vu qu'on vit à une époque, les gens ne peuvent pas discerner. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la force. Si tu lui dis maintenant, na'am, regardez les DVD, les vidéos de tel shir, c'est permis, na'am. Il va regarder, il va dire c'est permis, lakin shaitan, il ne le laissera pas. Un jour, il va regarder la vidéo de tel shir et demain, il va basculer à autre chose. حتى يقع في الحرام. Fermer les portes, كذلك, c'est une base dans notre din. Fermer les portes de al-fitna. C'est ça, al-qawl, al-sahih, s'écarter de هذا, et في الحلال, alhamdulillah, on a ce qu'il faut. بعض الناس, au lieu de profiter, vous avez remarqué, هذا, ربما يخرجون نزه. Ils sortent maintenant dans un parc, ou dans une montagne, ou dans un lac. Au lieu de profiter avec leurs enfants, et l'akhir, ils sont là avec les téléphones. Ils prennent en photo, ya akhi, regarde, c'est devant toi. Lakin, la base, c'est pour montrer, Katira. Ils se prennent en photo pour montrer aux autres, on est parti. On n'a pas besoin, nous, de hada. On n'a pas besoin. Au lieu de profiter, shoula, avec les enfants des photos, il a akhiré. Allah al-Musta'an. Fakalam Sheikh Sa'di, mukhtasar.